بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لوون جاء الله en cette nuit du 13 Ramadan 1441 qui correspond au 5 mai 2020, nous retrouvons sur les ondes de Radio Taqwa pour un cours concernant Laylatul Qadr dans Umdat al-Ahkam que nous prenons avec l'explication de l'érudit Cheikh Al-Utaymin rahmatullah alayhi tanbih al-afham. Et frère Allah azza wa jalla et sœur Allah subhanahu wa ta'ala, regardez comment le temps passe très vite. On est déjà la nuit du 13 Ramadan, et cela sans aucun doute nous rapproche de notre terminus. Il faut regarder avec quoi nous voulons rencontrer Allah Azza wa Jal, avec quelle provision, qu'est-ce que nous avons comme provision, comme taqwa pour rencontrer Allah. Car demain il est proche, et la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche. Et donc, dans le livre de Umdat al-Ahkam, nous prenons bab Laylatul Qadr. Laylatul Qadr هي الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها خيرا من ألف شهر في بركتها وفي بركة العمل الصالح فيها، فإن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهي في رمضان قطعا، لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل القرآن فيها وأن القرآن أنزل في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن هاتين الآيتين يتبين أن ليلة القدر في رمضان قطعا. Et donc nous sommes dans le chapitre la nuit Laylatul Qadr. Cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une nuit imminente qui contient beaucoup de biens, beaucoup de bénédictions. L'adoration et les bonnes œuvres en cette nuit sont meilleures que ceux accomplis aux 1000 mois. Quiconque y accomplit les prières nocturnes avec foi en Allah Azza wa Jal et avec sincérité pour Allah et cherchant les récompenses d'Allah, se verra pardonner ses péchés passés. Bien sûr, les péchés ici, il s'agit des petits péchés. Les grands, ils ont toujours besoin d'une expiation spécifique. Et cette nuit, sans aucun doute, sans aucune divergence, se trouve dans le mois de Ramadan. Car Allah a annoncé qu'il a descendu le Coran durant cette nuit. Comme il est cité dans le verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci: nous avons descendu le Coran pendant la nuit de l'Qadr. Et l'autre verset qu'a cité Cheikh ici, la traduction approximative du sens nous dit ceci: le mois de Ramadan durant lequel est descendu le Coran. Ces deux versets nous montrent clairement que la nuit de l'Qadr est dans le mois de Ramadan. يقول رحمه الله: والقدر بسكون الدال إما من الشرف كما يقال فلان عظيم القدر، فتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشيء إلى صفته أي ليلة الشريفة، وإما من التقدير فتكون إضافتها إليه من إضافة الظرف إلى ما يحويه أي الليلة التي يكون فيها تقدير ما يجري في تلك السنة كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. Et القدر prononcé avec سكون sur dal, disons القدر, cela signifie le caractère honorable et sacré. Comme on dit, telle est une grande personne, pour désigner comme quoi il est grand, etc. Et donc le qadr avec soukoun sur dal, laylatul qadr, l'annexion ici de laylatul qadr, laylatul qadr a été annexée à la chose, il est annexé à sa qualité. Il est annexé, Layla ici est annexé à sa qualité. La nuit ici est annexé à sa qualité. Donc ce qui veut dire Laylatul Qadr veut dire la nuit honorable. Avec la prononciation du sukun sur dal, on disons Al-Qadr. Et Al-Qadr, si on dit Laylatul Qadr, hein, qui se dit aussi la nuit du destin, Laylatul Qadr, en mettant le A sur Dal. Dans ce cas-là, la nuit est annexée au temps. Donc ici, le Qadr, Laylatul Qadr, la nuit du destin, dans ce cas-là, le temps qui est la nuit est annexé à ce qu'il contient. Et s'il contient quoi? Le destin, la prédestinée. Donc cela dit-il la prédestinée, durant laquelle seront décrétés ce qui va se passer durant l'année. Mais j'ouvre une parenthèse, cela, ce qui va se passer dans l'année, ce n'est qu'une copie de la prédestinée écrite dans la planche préservée 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et c'est ce qu'appellent les hommes de science la prédestinée annuel ou le destin annuel, hein, c'est celui de la nuit du destin. Le verset nous dit ceci dans la traduction approximative du sens du verset, durant cette nuit est détaillé tout ordre sage, tout ce qui va exister durant cette année-là, hein, il sera décrété durant la nuit du destin. Et ce décret ou ce destin, il est déjà dans la planche préservée, hein. Il a été écrit par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala par le crayon. Il a ordonné au crayon de le créer 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre. Et donc, Laylatul Qadr ici, le temps qui est la nuit, il était annexé à ce qui va s'y passer. C'est-à-dire ici le destin. Laylatul Qadr. Hein? J'ouvre une parenthèse. Donc, tout ce qui va se passer, hein? Et durant ce qui reste, tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé durant cette année 1441, et ce qui reste de cette année 1441, hein, ce qui va arriver après la nuit du destin de ce mois de Ramadan, est déjà inscrit, hein, la nuit du destin, l'année dernière. Ce que nous vivons actuellement, c'est ce qui a été inscrit durant la nuit du destin du mois de Ramadan l'année dernière, c'est-à-dire l'année 1440. Et là on est au 1441. Et donc ce qui va être inscrit durant la nuit du destin de ce mois de Ramadan, c'est ce qui va se passer, une partie, hein, la fin de l'année 1441, et ce qui va se passer en 1442 jusqu'à la nuit du destin du mois de Ramadan 1442. Donc, hein, ce corona qui a bouleversé le monde est inscrit dans la destinée générale et la nuit du destin, et il a été aussi inscrit dans la nuit du destin de l'an 1440. Il a été prédestiné que l'humanité le subira au l'an 1441. Et comme il a été prédestiné aussi, quand est-ce que il aura sa fin? Tout a été écrit, hein, durant cette année, la nuit du destin de l'année dernière, ce que nous subissons maintenant. Et si nous devons, si ce corona doit disparaître cette année, ben il a été déjà aussi inscrit dans, hein, le destin de l'année dernière, le destin annuel. Sinon, ben, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait de toute façon quand est-ce que et ce virus va disparaître. Et donc, on arrive au premier hadith. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Donc le premier hadith de ce chapitre qui est le hadith numéro 200 dans le livre de Umdat al-Ahkam, Abdullah ibn Umar rapporte que certains compagnons du prophète alayhi salam radiyallahu anhum ont vu la nuit de al-Qadr, on rêve dans les sept dernières nuits de Ramadan. Ils l'ont vu en rêve dans les sept dernières nuits de Ramadan. Le messager a dit: je vois que vos visions concordent sur les sept dernières nuits, que celui qui la recherche le fasse durant les sept dernières nuits du mois de Ramadan. Muttafaqun alayh. موضوع الحديث الزمن الذي تتحرى فيه ليلة القدر. Et le sujet du hadith, c'est le temps probable où il faut chercher la nuit du Qadr, Laylatul Qadr. Et شرح الكلمات رجالا جمع رجل ولم يسمى أحدا منهم أصحاب جمع صاحب وهو الملازم للشخص وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك وإن لم يلازمه أروا بضم الهمزة أراهم الله تعالى ليلة القدر ليلة الشرف والتقدير في المنام وقت النوم وتسمى الإراء حينئذ الرؤيا والمراد أراهم عينها السبع الأواخر السبع البواقي وتبدأ من 23 إن كان الشهر ناقصا ومن 24 إن كان تاما أرى بفتح الهمزة أعلم أو أبصر أعلم أو أبصر مجازا رؤياكم ما رأيتم في المنام تواطأت اتفقت متحريها طالبا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها فليتحرها الفاء رابطة للجواب واللام للأمر. الشرح الإجمالي يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من الصحابة رضي الله عنهم أراهم الله تعالى في المنام ليلة القدر. ليلة القدر عينها في السبع الأواخر من رمضان من 23 أو 24 فما بعدها واتفقت رؤياهم على ذلك فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما رأوه فلما رأى اتفاق رؤياهم في هذا أرشد صلى الله عليه وسلم من كان حريصا على إدراك ليلة القدر أن يتحرها في السبع الأواخر لاتفاق رؤيا هؤلاء الصحابة عليها. Donc le sens général de ce hadith, Abdullah ibn Umar annonce que certains compagnons du prophète alayhi salam, qu'Allah les agrée, Allah leur a fait voir dans leur rêve Laylatul Qadr, dans les sept dernières nuits du mois de Ramadan. Et donc c'est le mois et de 30 jours, ça sera à partir de la nuit du 23. Et c'est le mois et de 29 jours, donc ça sera à partir de la nuit du 24. Jusqu'à la fin du mois. Et leurs visions ont concordé sur cela. Et ils l'ont annoncé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et quand il a vu que leurs visions concordent sur cela, il les a orientés, il a orienté celui qui la recherche, qui recherche Laylatul Qadr, qu'il le fasse durant les sept dernières nuits du mois de Ramadan. Et donc, quand on parle de nuit, hein? La nuit du 23, ça veut dire c'est la nuit où le soleil se couche le 22. La nuit du 24, c'est la nuit où le soleil, la nuit où le soleil se couche le 23, et ainsi de suite. Les nuits dans le calcul lunaire devancent les jours. Barakallahu fikum. Et فوائد الحديث أولا أن الله تعالى قد يكرم بعض المؤمنين فيريه في منامه ما ينفعه وغيره. Les leçons du hadith, la première leçon, Allah honore certains croyants et il leur fait voir dans leur sommeil ce qui va leur être bénéfique, ce qui va leur être bénéfique et être bénéfique aussi aux autres. الدرس الثاني العمل بالرؤيا صالحة إذا دلت القرينة على صدقها ولم تخالف الشرع. La deuxième leçon, il est autorisé de mettre en application le bon rêve s'il est accompagné de signes qui certifient sa véracité et qu'il n'est pas en divergence et en contradiction avec la législation. الدرس الثالث أو الفائدة الثالثة أن ليلة القدر في رمضان. La troisième leçon, ليلة القدر, il est dans le mois de Ramadan, sans divergence. Il est dans le mois de Ramadan. رابعا, إرشاد من حرص عليها أن يتحرها في السبع الأواخر منه. La quatrième leçon, l'orientation de celui qui cherche ليلة القدر, qu'il le fasse, diront, les sept dernières nuits de Ramadan. يقول الشيخ معارضة وجمع في هذا الحديث الإرشاد إلى تحري ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان وجاءت أحاديث في الإرشاد إلى تحريها في جميع العشر كقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري والجمع بينهما ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي ووجه الجمع أن جميع ليالي العشر محل التحري محل لتحري ليلة القدر لكن أرجاها السبع البواقي. Et il dit Havidahullah, ici il nous fait un rappel pour réunir entre eux les textes concernant cette nuit. Parce qu'il y a des textes dont l'apparence peut sembler à nous autres comme quoi il y a une opposition entre les textes. Regardez comment les hommes de science réunissent les textes. Il dit Havidah Allah ce hadith, dans lequel il est qu'il faut la chercher dans les sept dernières nuits du mois de Ramadan. Ce hadith oriente vers le fait de rechercher Laylat al-Qadr dans les sept dernières nuits du mois de Ramadan. Et d'autres hadiths orientent vers le fait de la chercher dans l'ensemble des dernières nuit de Ramadan, comme la parole du prophète alayhi salatu wassalam chez Imam al-Bukhari, recherchez Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Et la réunion entre ces textes s'accomplit parce qu'il est rapporté dans l'authentique du muslim le hadith d'Abdullah ibn Umar que le prophète alayhi salatu wassalam a dit recherchez-la dans les dernières nuits et si quelqu'un parmi vous faiblit, qu'il surmonte la situation et la recherche dans les sept dernières nuits. Ainsi, on réunit avec tous les textes concernant la nuit de l'Qadr, Laylatul Qadr. Wa na'ti ila al-hadith al-thani an Aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. Et donc dans le deuxième hadith, dans le chapitre et le numéro 201 dans le livre d'Umdat al-Ahkam, Aïcha radiyallahu anha rapporte que le messager d'Allah a dit: cherchez Laylat al-Qadr pendant les nuits impaires dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Pendant les nuits impaires dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. موضوع الحديث أرجى ليلة تكون ليلة القدر من العشر الأواخر. Le sujet du hadith, le moment le plus probable de cette nuit, est dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. شرح الكلمات تحروا ليلة القدر اطلبوا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها. في الوتر من العشر هو ليلة 21 و23 و25 و27 و29 من العشر الأواخر أي البواقي من رمضان وتبدأ من ليلة 21. الشرح الإجمالي تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لطلب مصادفة ليلة القدر بالعمل الصالح والقيام فيها من أوتار العشر الأواخر من رمضان. Et donc le sens général de ce hadith, la mère des croyants Aïcha رضي الله عنها a annoncé que le prophète صلى الله عليه وسلم a orienté de chercher ليلة القدر avec les bonnes œuvres et avec les prières nocturnes durant les nuits impaires dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, à savoir la 21e nuit, la 23e, la 25e, la 27e et la 29e. Si le mois il est complet, si on doit jeûner 30 jours, donc il y aura la 29e. Fana'ti ila fawa'id al-hadith. Al-fa'idat al-oula, al-irshadu ila tahari laylati al-qadri fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Les leçons du hadith, la première leçon, l'orientation vers la recherche de Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Taniyan, faïdat al-taniya, anna autar al-ashr arja min ashfa'iha. Et il est plus probable, la deuxième leçon, il est plus probable que la Laylat al-Qadr soit dans les nuits impaires. الفائدة الثالثة فضل ليلة القدر. La troisième leçon, les mérites de ليلة القدر. رابعا أن ليلة القدر في رمضان. La quatrième leçon, ليلة القدر, elle est dans le mois de Ramadan, ne sort pas du mois de Ramadan. خامسا محبة النبي صلى الله عليه وسلم للتيسير على أمته. La cinquième, le prophète aimait faciliter les situations à sa communauté. Al-Hadith al-Talit. An Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana ya'takifu al-ashr al-awsat min Ramadan. فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها في اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيني رسول الله صلى فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21. Et donc le troisième hadith dans le chapitre, c'est le hadith numéro 202 dans le livre de Umdat al-Ahkam, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, rapporte que le messager d'Allah effectuait la retraite spirituelle, l'itikaf, pendant les 10 nuits médianes de Ramadan. hein, une année alors qu'il était en retraite spirituelle, une année alors qu'il était en retraite spirituelle, et quand la nuit du 21 est arrivée, c'est durant le matin du celle-ci qu'il sortait de son attika pour rentrer chez lui, il a dit, ceux qui effectuent la retraite pieuse avec moi, la fasse encore durant les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits de Ramadan. On m'a montré en rêve cette nuit, puis on me l'a fait oublier. Et il a dit, alayhi salatu salam, je me suis vu me prosterner dans de l'eau et de la boue le matin suivant cette nuit-là. Cherchez-la donc durant les 10 dernières nuits et cherchez-la durant les nuits impaires. Abu Saïd, radiyallahu anhu arda, a dit, il a plu cette nuit-là. La mosquée étant recouverte de branches de palmiers, le toit s'est effondré et je vis de mes yeux le messager d'Allah, le front recouvert de boue, hein, le matin de la 21e nuit, le matin de la 21e une nuit. Donc dans ce hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faisait l'itikaf durant les 10 nuits midianes. Et c'est là où il a vu dans son rêve, Allah subhanahu wa ta'ala le fit voir, quand est-ce. Mais il lui a fait oublier le jour exact. Mais il se rappelle du signe que cette nuit-là, il pleuvra, la nuit de cette année-là, où il était en itikaf durant les 10 midianes de Ramadan, que cette nuit-là, Laylatul Qadr va pleuvoir. Et que, ah, il aura de la boue et de l'eau sur son front et sur son nez. Et ceci s'est accompli durant cette année-là. Et Abu Sa'id al-Khudri raoulat, qu'il a vu sur le visage du Prophète alayhi salatu wasalam, sur le front du Prophète alayhi salatu wasalam, l'eau et la boue, et dans une version, et sur son nez aussi. Et les hommes de science disent que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam cherchait la nuit du destin, il a fait la retraite durant l'itikaf durant les 10 premiers jours. Et il l'a refait aussi une autre fois, hein, dans la, les 10 dernières, les 10 midianes, les 10 nuits midianes du mois de Ramadan. Hein, et c'est là où il a vu que c'était dans les 10 derniers jours. Et cette année-là où il a fait le rêve, ça veut dire qu'il a fait 20 jours d'i'tikaf avec les compagnons qui l'ont fait avec lui. Radiyallahu anhum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mawdu'u al-hadith muta'addid wal munasibu minhu az-zamanu alladhi tuharra fihi laylatu al-qadr. Le sujet du hadith, il y en a plusieurs, mais ce qui est recherché ici, le temps durant lequel il faut chercher Laylatul Qadr. شرح الكلمات يعتكف يقيم في المسجد تقربا إلى الله تعالى وتفرغا لطاعته العشر الأوسط ما بين العاشر والحادي والعشرين من الشهر ولم يقل الوسطى باعتبار أن المراد الأيام أو الثلث الأوسط عاما سنة من السنين إذا كانت إذا دخلت. من صبيحتها من صبيحة يومها التي تليه وهو يوم العشرين وإضافة الصبح إلى ليلة 21 تجوز لكونه صبيحة اليوم الذي تليه فليعتكف الفاء رابطة للجواب واللام للأمر والمراد به الإرشاد العشر الأواخر العشر البواقي وهي ما بعد 20 من الشهر وأولها ليلة 21 أريت أراني الله في المنام ونسيتها أنساني الله إياها والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم رأيتني رأيت نفسي في المنام في ماء وطين على ماء وطين فالتمسوها فتحروها في كل وتر أي وتر من العشر وهذا تخصيص بعد تعميم والوتر كل عدد لا يقبل القسمة على 2 بدون باق كالواحد والتسعة فمطرت السماء نزل منها المطر وهو ماء السحاب تلك الليلة أي ليلة 21 على عريش أي بناء من سعف النخل يرصف على خشب فوكف فخر منه الماء أثر الماء والطين علامة الماء والطين من صبح من لبيان الجنس أي أن رؤية الطين كانت صبح تلك الليلة. الشرح الإجمالي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على إدراك ليلة القدر والعمل فيها. وفي هذا الحديث يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد يتفرغ للعبادة في تلك الليلة فاعتكف العشر الأوسط. وفي رواية للبخاري أنه اعتكف العشر الأول فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فأتاه جبريل فقام خطيبا صبيحة 20 من رمضان وأرشد من اعتكف معه أن يعتكف العشر الأواخر وأخبر أن الله تعالى أراه عينها في المنام ثم أنساه إياها لكنه رأى في المنام لها علامة في تلك السنة وهي سجوده في صلاة الصبح على ماء وطين فأمطرت السماء ليلة 21 وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك من جريد النخل فخر من الماء حتى ابتلت الأرض به فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح سجد على الأرض على الماء والطين فانصرف من صلاته وعلى جبهته وفي رواية وأنفه أثر الماء والطين. Donc le sens général de ce troisième hadith, le messager d'Allah tenait à chercher les bienfaits du cycle nuit de Laylatul Qadr. Il tenait à y accomplir les bonnes œuvres. Et dans le hadith, Abu Sa'id al-Khudri annonce que le prophète a.s. faisait l'i'tikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle dans la mosquée pour se libérer pour l'adoration des ronds sitnimila. Et il a fait une retraite les 10 nuits médianes de Ramadan, et dans une version de l'Bukhari, il a fait aussi la retraite pendant les 10 premiers jours du mois de Ramadan, les 10 premières nuits du mois de Ramadan. Et Jibril est venu le voir. Il lui a dit, ce que tu cherches, c'est-à-dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam cherchait Laylatul Qadr, ce que tu cherches est devant toi. Et donc, il a fait la retraite durant les 10 nuits médianes, et durant les 10 nuits médianes de Ramadan, et Jibril est venu le voir, et le matin du 21 Ramadan, et Jibril est venu nous voir, il lui a dit, ce que tu cherches, il est devant toi. Il n'est pas encore arrivé. Il reste dans les 10 derniers jours, 10 dernières nuits. Et donc, le matin du 21 Ramadan de cette année-là, il s'est mis debout, alayhi salatu salam, et il a fait une khutbah aux gens. Il a orienté ceux qui ont fait l'i'tikaf avec lui, qu'ils le continuent durant les 10 dernières nuits, et il leur a annoncé qu'Allah lui a fait montrer la nuit, Laylatul Qadr dans le rêve. Il lui a fait montrer laquelle c'était, et puis il lui a fait oublier. Il dit, alayhi salatu salam, il leur dit, mais il a vu son signe pour cette année-là. Et son signe, c'est le fait que de se prosterner dans de l'eau et de la boue lors de la prière de la matinée de celle-ci. C'est-à-dire, lors du sobh du 20e jour du mois de Ramadan, c'est la prosternation dans la boue et dans de l'eau. Abu Sa'id al-Khudri, il dit, ça c'est le signe que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a vu dans le rêve. Et il y a eu la pluie la nuit du 21, le toit de la mosquée était fait de branches de palmiers et s'est effondré. La terre était mouillée et quand le prophète a prié la prière de Sobh, il s'est prosterné dans de l'eau et la boue. Et quand il est sorti, il a terminé la prière, il y a vu sur son front dans une autre version, et sur son nez, les traces de l'eau et de la boue. Les traces de l'eau et de la boue. ونأتي إلى فوائد الحديث. أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إدراك ليلة القدر. La première de leçon, le prophète tenait ardemment à parvenir à ليلة القدر et à avoir les mérites de cette nuit. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. La deuxième leçon, le prophète ne connaît pas l'invisible. ثالثا أنه يجوز أن ينسى كما ينسى غيره من البشر. La troisième leçon, il est permis. Et c'est tout à fait normal que le prophète oublie comme les autres humains oublient. رابعا مشروعية الاعتكاف. La quatrième leçon, l'اعتكاف, il est légiféré. La retraite spirituelle est légiférée dans la mosquée. خامسا أن من أهم مصادق مقاصده تحري ليلة القدر ليتفرغ للعمل الصالح فيها. Et le plus important, la cinquième leçon, c'est que le plus important acte, le plus important but de l'i'tikaf, c'est de rechercher la nuit, Laylatul Qadr, et d'y accomplir les bonnes œuvres. Le but de l'i'tikaf, c'est de chercher Laylatul Qadr et d'y accomplir les bonnes œuvres. سابعا مشروعية التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار منها. سادسا أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. La sixième leçon, la nuit des distances se trouve dans les dix dernières nuits du mois de Ramadan. سابعا مشروعية التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار منها. La septième leçon, il est légiféré de chercher la nuit, ليلة القدر, pendant les dix derniers jours de Ramadan et surtout dans les nuits impaires. Et surtout dans les nuits impaires. Il est légiféré de chercher la nuit, Laylatul Qadr, pendant les dix dernières nuits de Ramadan et surtout dans les nuits impaires. Tasi'an, taminan, anna Allah ta'ala qad yuri ibadahu ala mahissi ala Laylatul Qadr. La huitième leçon, Allah peut faire voir à certains de ses soumis un signe concret de Laylatul Qadr. Tasi'an, bayan ma kana alayhi masjidun nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ahdihi. La neuvième leçon, la modalité et comment était la mosquée du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Comment il était construit, de quelle matière il était fait. عاشرا أن عمارة المساجد ليست بتشيدها وزخرفتها. La dixième leçon, la construction du mosquée, ce n'est pas la luxuosité de la construction et l'embellissement avec les stucs et avec le marbre et les éliges et ainsi de suite. الحادي عشر أن المشروع مباشرة مصلي الأرض بالجبهة والأنف حال السجود. Donc ce qui est légiféré, c'est que le visage et le front du prieur touchent la terre directement pendant la prosternation. الفائدة الثانية عشر أن الأولى عدم مسح ما يعلق بجبهتي وأن في حال الصلاة. La deuxième leçon à retenir, le mieux c'est de ne pas essuyer ce qui s'attache au front et au nez pendant la prière. Continuons notre train de prier, quand quelque chose s'est attaché à notre front, on ne l'essuie pas pendant notre prière, alors qu'on est encore en train de prier. Donc ici, c'est la fin du chapitre et de l'explication du Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh. Et vu qu'on a un peu de temps, je rajouterai cela pour un peu plus d'éclaircissement, mais sinon, dans ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin, il y a le plus grand des bénéfices. Donc, vu qu'on a un peu de temps, je rajoute cela. Comme tout le monde le sait, le Coran est descendu durant cette nuit, durant Laylatul Qadr. Et comme a dit Ibn Abbas, concernant le verset « Inna anzalnahu fi laylatil qadr », nous l'avons descendu, « Laylatul Qadr », dit qu'Allah l'a descendu entier au ciel de ce bas monde durant Laylat al-Qadr. Et puis Allah l'a descendu partie par partie sur son prophète alayhi salatu wasalam durant 23 ans. Et on rapporte que la première descente sur le prophète alayhi salatu wasalam fut durant Laylat al-Qadr. Et cette nuit qui réfère dont le nom réfère à la grandeur et à la sublimation, qui est une nuit inestimable et qui était une nuit meilleure que 1000 mois d'adoration, c'est-à-dire 83 ans et 4 mois, d'où l'importance de rechercher cette nuit et d'y accomplir les bonnes œuvres durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les savants, rahimahumullah, la situent dans les nuits impaires, comme il est dans le hadith. Dans les nuits impaires, dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Certains savants sont d'avis que cette nuit n'est pas fixe, mais il change d'une année à une autre. Il peut être le 21, la nuit du 21, comme il peut être la nuit du 23, une autre année, la nuit du 25, une autre année, la nuit du 27, une autre année, la nuit du 29, une autre année. D'autres, comme Ibn Hajar, rahimahullah, et d'autres, pensent que c'est toujours la même nuit, mais il reste qu'elle est toujours inconnue des gens. Le but, c'est pour faire plus de bonnes œuvres durant ces dernières nuits de Ramadan. Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde envers ses serviteurs, et la perfection et la sagesse qu'il y a dans ses ordres, a caché cette nuit afin que les musulmans accomplissent des adorations durant ces dernières nuits de Ramadan, accomplissent beaucoup d'adorations et beaucoup de biens durant ces dernières nuits du mois de Ramadan, parce que leurs récompenses vont augmenter. Car s'ils savaient quelle est la nuit de Qadr, s'ils savaient laquelle c'était dans les dix dernières nuits du mois de Ramadan, peut-être leur effort se serait limité à cette nuit-là. Et comme il dit, comment les nobles compagnons, ridwanullah alayhim, étaient, et comment ils étaient attachés au bien, et comment ils désiraient parvenir à ce qu'Allah aime et agrée, et ceci on le sent à travers leurs questions au messager alayhi salatu wasalam. Et concernant la nuit Laylatul Qadr, et concernant aussi le bien qu'il contient en général, méditons ce qu'a fait notre mère Aïcha radiallahu anha. Méditez cette noble question. Et regardez le désir de Aïcha, le désir ardent de savoir quelque chose de bien pour l'accomplir et pour la dire durant cette nuit du Laylatul Qadr. Méditons cette question de notre mère Aïcha. Aïcha radiallahu anha qalat qultu ya Rasul Allah. أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه أبو داود وغيره عائشة دي أو مساجد الله si je parviens à savoir quelle est la nuit quelle est ليلة القدر que dois-je dire regardez la question que dois-je dire durant cette nuit là et il a dit عليه الصلاة والسلام dit oh Allah Tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Aïcha, la femme la plus aimée du prophète, alayhi salatu wasalam, voulait faire la meilleure invocation durant cette noble nuit. Demanda au prophète, alayhi salatu wasalam, et le prophète lui a indiqué ce dua. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Les savants disent que cette invocation compte les meilleures choses que l'on peut demander à Allah Azza wa Jal. Cette invocation contient les meilleures choses que l'on peut demander à Allah Azza wa Jal. Et cette phrase qu'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comporte une recherche d'intercession auprès d'Allah par le biais de l'attribut qui convient à cette demande, qui est l'amour d'Allah pour le pardon. Son amour, subhanahu wa ta'ala, pour le pardon. Hein? Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Donc c'est une intercession avec ce noble attribut de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le pardon. Et lors de Laylatul Qadr, il convient de multiplier les du'as et de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et d'insister dans le du'a et de répéter ce du'a. Et comme on ne connaît pas laquelle des nuits durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, on ne connaît pas cela, donc nous devons, cela doit nous motiver, insister dans le bien et insister dans la pleuration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant les 10 des dernières nuits et beaucoup aussi durant les nuits impaires durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Fas Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yuballighana wa iyyakum فضل هذه الليلة المباركة وفضل هذا الشهر الفضيل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء أن يرفع عن أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها هذا الوباء وأن يفرج عن إخواننا المضطهدين في كل مكان وأن يشافي مرضى المسلمين وأن يعافي مبتلاهم وأن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.